samedi 1er mars. Donc, on avait plusieurs games NBA à analyser. On va commencer par le game de la soirée, Chicago Bulls, qui se déplaçait chez les Hawks d'Atlanta. Donc, 4 overtime. Pour la stat, c'était du jamais vu depuis le 13 décembre 1983 et un certain Nuggets Pistons. Donc, si on retient un meilleur marqueur de la soirée, c'est côté Bulls, Zach LaVine, proche quasiment d'un quadruple-double. Donc là, il met 47 points, 9 rebonds, 9 assists. Et en face, Trae Young, il met 49 points, 8 rebonds, 16 assists. Mais bon, fallait la voir venir cette victoire des Bulls sur le terrain des Hawks. Charlotte Hornets, Brooklyn Nets. Donc pareil, une victoire des Hornets sur le parquet de Brooklyn. Donc avec un retour assez impressionnant de Nicolas Batum. Sur les 3 ou 4 derniers matchs, il est à 15-5-5. Et sur ce match, il fait 17-6-5. Donc apparemment, c'est dû au fait qu'il soit passé du poste 3 au poste 2. Hein. Donc passer de small forward à shooting guard. Donc si qui allège beaucoup son travail défensif et ça lui permet de se reconcentrer sur l'offensif. Donc du côté de Brooklyn, apparemment le coupable c'est Graham. Voilà. Donc après on avait les Blazers qui se déplaçaient sur le terrain des Raptors. Peut-être que ça pourrait être la finale NBA cette année. Si les Blazers ils arrivent enfin à franchir cette fameuse demi-finale de conf à l'Ouest, mais c'est pas gagné. Donc Terry Stotts, il avait été élu coach de la semaine ou du mois, mais ils se sont fait rattraper dans le quatrième quart-temps. Et après, sur le terrain de la géopolitique, Enes Kanter ne pouvait pas se déplacer au Canada. Ce qui est toujours sur le mandat, le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la Turquie. Donc du côté des Raptors, on préfère se focaliser sur une gigathéorie du complot qui consiste à dire que les arbitres ils font tout pour que les Raptors y perdent. Et apparemment, l'ennemi déclaré, c'est le referee, donc c'est l'arbitre numéro 77, Carl Lane. Coupable d'avoir donné sifflé, d'avoir donné selon eux au moins 7 lancers francs aux Blazers. Mais bon, malgré ça, les Raptors l'ont emporté. Wizards Boston, donc il n'y avait pas de surprise, donc victoire de Boston. Alors Ford il met 18-6-3. Marcus Morris il met 17-9. Et un bon match de Boston. Pelicans contre Suns. Donc on rappelle que les Suns, c'est la pire équipe de la ligue. Donc une victoire assez logique à l'extérieur des Pelicans avec un Anthony Davis en minutes restreintes. Mais il met toujours ses 17 points, 8 rebonds. Et rien à dire du côté des Suns, sauf apparemment ils ont fait un mauvais match. Même si apparemment Devin Booker il a postérisé Anthony Davis. Clippers Kings. Donc là, c'était la victoire des Clippers sur le parquet des Kings. Très important. Et du côté des Kings, on regrette que ils aient shooté trop faiblement à 3 points. 28,6% à 3 points contre 38,7% à 3 points pour les Clippers. Apparemment, c'était ça la clé du match. On finit par le thriller de la soirée. Les Milwaukee Bucks qui se déplaçaient sur le terrain des Lakers. Donc victoire de Milwaukee avec Eric Bledsoe qui a fêté son renouvellement de contrat. Et du côté des Lakers, on préfère... Il y a deux noms qui reviennent. Les deux coupables sont eux, c'est Luke Walton et Kentavious Caldwell Pop. Et je finis avec une stat. Apparemment, si on fait 7800 simulations de tirage pour savoir si les Lakers y seront en playoff, ça donne une probabilité de 3,2%. Donc réfléchissez avant de parier sur les Lakers. Et parier, c'est pas bien.